Bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je suis Mme François Marginan et je serai avec vous à bord de cette émission pour les 90 prochaines minutes sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 4 décembre 2013. Alors, voilà, chers auditeurs, de retour après deux semaines de pause pendant lesquelles j'en ai profité pour rediffuser deux très importantes émissions que j'avais réalisées dans le passé et qui remontaient à déjà quelques années. Alors, possiblement que plusieurs nouveaux auditeurs ici se sont ajoutés et n'avaient pas eu la chance d'entendre ces chansons, ouais, en fait, ces chansons, ces émissions, pardonnez-moi. Donc, effectivement, émission très importante qui traitait de du sujet du fluorure avec un invité très important que j'ai eu l'occasion d'avoir ici sur l'émission au cours de trois émissions passées, trois entrevues qu'on a faites avec Gilles Parent. Et puis qui avaient été très appréciées et puis qui sont très importantes pour comprendre réellement l'étendue de la situation avec les fluorures. Donc, des émissions qui sont à votre portée, toujours libre à vous de propager les liens, évidemment, pour instruire les gens. Je crois qu'il y a vraiment toutes les raisons de croire là, qu'il faut cesser de croire à ce mythe qui est un non-sens scientifique de l'utilisation des fluorures autant dans les produits dentaires que dans la fluoration de l'eau, ainsi de suite. Alors, voilà. Donc, ça, c'était des émissions très importantes. Pendant ce temps-là, ça m'a permis le temps de creuser certains sujets et puis faire certaines choses importantes, en fait, pour l'orientation du futur à plusieurs niveaux, dont particulièrement ici sur l'émission. Alors, ça faisait quelques semaines et moi-même déjà que je vous titillais l'oreille avec ces changements à venir. Et puis, eh bien, nous en sommes maintenant rendus à une décision. Alors, c'est un peu difficile à prendre, mais en même temps, bon, je crois que ça va être pour le mieux, en tout cas pour le moment. Et puis, la situation est que, bon, la saison automne ici sur Choc FM se termine la semaine prochaine, soit le 14 décembre. Ce sera la dernière émission ici de L'Autre Monde pour cette saison et en fait pour le moment aussi. Alors, bon, voilà, ma décision est prise. Alors, après quand même plusieurs années ici sur les ondes de choc FM, je vais prendre une pause néanmoins, à tout le moins, disons. En ne sachant pas si je reviendrai sur les ondes d'ici ou sous un autre format, peu importe. Une chose est certaine est que le besoin d'avoir une émission quotidienne ne se fait pas autant ressentir que le travail que ça représente. Alors, de construire cette émission, de la produire, de la diffuser, et ainsi de suite. Donc, mais je ressens quand même très clairement qu'il y a un besoin et une demande pour ces informations. Donc, l'émission n'est pas vouée à la mort. Alors, effectivement, loin de là, l'émission va subsister, mais sous forme chaîne YouTube pour le moment et sur peut-être d'autres manières aussi qu'on développera dans le futur. Mais pour le moment, vous savez, depuis des années, l'émission est aussi disponible sur la chaîne YouTube de L'Autre Monde. Et puis, c'est là que vous trouverez les prochaines émissions à compter de la nouvelle année 2014. Alors, on se retrouvera quand même au mois de janvier, ça c'est certain. Après la dernière émission qui aura lieu la semaine prochaine. Et puis, ce sera fait de manière indépendante pendant les temps à venir. Alors, jusqu'à avis du contraire, nous allons poursuivre de cette façon. Alors, comment l'émission va se faire? Eh bien, l'émission aura le pour même thème, évidemment, de l'actualité, des informations essentielles pour que vous puissiez comprendre les événements les plus importants de l'actualité mondiale, des enjeux importants. Et puis, on va continuer sur ce que je vous avais annoncé il y a quelques semaines, c'est-à-dire vers une poussée qui va être un peu exploratrice pour prendre certains pas de recul et puis voir aussi tous ces événements-là d'un point de vue plus spirituel dans sa dimension cosmique. Comprendre la psychologie de la motivation. En fait, comprendre ce qui est au cœur de l'homme pour en fait trouver les vraies solutions à tout cela. Parce que évidemment qu'on peut parler d'actualité pendant des dizaines d'années sans jamais vraiment trouver le cœur de la solution et puis nommer les choses les plus importantes. Donc, ce qui motive l'homme. Alors, l'émission sera produite de façon régulière et irrégulière, c'est-à-dire que elle ne sera pas nécessairement produite à toutes les semaines, mais sera produite de façon régulière quand même, lorsque le besoin sera présent, se fera sentir. Eh bien, on aura des capsules, on aura des émissions de différentes longueurs de temps, tout dépendant des besoins des sujets traités. Mais nous ferons un suivi de tous les événements les plus importants, donc nous serons toujours actifs. Alors, évidemment que là, le lien à faire pour vous, si vous êtes fidèles auditeurs de L'Autre Monde, ça va être de vous abonner à la chaîne et puis évidemment de faire en sorte que vous recevez des notifications lorsqu'une nouvelle émission est mise en ligne. Alors, voilà. Donc ça c'est fait. Alors, maintenant, évidemment, je vous invite aussi à visiter les nouvelles internationales qui seront évidemment le lieu où vous pourrez évidemment retrouver aussi tous les liens et les vidéos des audios en fait de l'émission qui seront aussi évidemment comme toujours diffusées sur les nouvelles internationales avec toutes les sources des informations dont on traite ici. Toujours très important. Alors voilà, donc, quand même une annonce très importante. Alors ceci étant fait, nous allons maintenant nous attarder des sujets fort importants. Alors, des sujets qu'on va continuer de développer probablement au cours de la semaine prochaine parce qu'il y en a énormément là à traiter. Alors je sais pas si on va avoir évidemment le temps de discuter de tous ces éléments-là. Mais il y a beaucoup de sujets fort intéressants. Vous allez voir alors des retours un peu historiques, des sujets aussi importants que Fukushima. On va parler des sujets un peu sur la santé aussi. Donc, on va parler d'un paquet de trucs comme ça, d'actualité aussi mondiale. Donc, voyez un peu un millimélo d'informations, de réflexions pour vous, de simulation. Et comme je vous disais, toutes les sources des informations et où en fait les articles dont je vous parle sont mis en source sur le blog Les Nouvelles Internationales, LNI, alors qui évidemment est en lien un peu partout, là, autant sur les sites de Choc FM que sur la chaîne YouTube. Donc, très facile à trouver comme d'habitude. Et puis, évidemment, qu'il y a beaucoup d'informations que je vais chercher par-ci par-là sur l'Internet, des friches, un peu cette jungle informationnelle pour apporter les trucs les plus importants. Et puis aussi, plusieurs collaborateurs qui m'envoient des informations dont je tire même de leur site, de leur article, et ainsi de suite. Alors, évidemment que je vais chercher des fois ou même lire de bons passages des articles qui sont écrits parce que c'est génial et puis ils méritent la peine, en fait, d'être publicisé, si on veut, d'attirer votre attention vers ces pièces d'information et puis tout le crédit revient évidemment à ces auteurs-là. Donc, c'est tout le temps bien important de le mentionner. Lorsque les recherches, évidemment, c'est là la force du réseau, qui en fait devrait être le cœur en fait de ce mouvement pour la vérité, un mouvement qui se doit d'être tout le temps régénéré, assaini tout le temps paré au danger. Alors il faut tout le temps paré au danger de tomber dans certains pièges. Alors effectivement il y a des pièges même à l'intérieur des mouvements pour la vérité. Comme la dissémination de fausses informations qui nous mènent sur des fausses pistes qui peuvent ensuite être dénigrées puis ridiculisées. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup d'attention à porter là-dessus. Mais bon, lorsqu'on a évidemment plusieurs personnes solides, en fait un groupe de gens qui sont solides, qui aiment vérifier les sources et puis qui se corrigent et s'auto-corrigent sans cesse pour se rapprocher sans cesse de plus en plus vers la vérité, en fait, vers des faits, des choses qu'on peut documenter et puis qu'on peut, en fait, vérifier, ainsi de suite. Alors, ça vaut la peine de les nommer, en fait, d'attirer votre attention vers ces articles-là, vers ces gens-là, vers ces auteurs, ainsi de suite, qui se donnent la peine de mettre en ligne des informations pour vous et puis qui réellement valent la peine d'être découvertes, à tout le moins. C'est, évidemment, mon point de vue. Donc, pour commencer, j'avais ici une citation très intéressante. En fait, ça vient sûrement d'un sketch. C'est un humoriste, un de mes préférés, George Carlin, que la paix repose sur son âme. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années à peine, à l'âge de 71 ans, si je ne me trompe pas là, dans ce coin-là. Avait un regard très, très perçant, très... je dirais un regard très objectif, un regard en fait d'un observateur avec une vision très précise, avec une grande acuité des systèmes de notre société, ainsi de suite, particulièrement de la société américaine, et avait un humour très perçant et très évidemment un langage très cru, disons. Mais qui savait dire les choses exactement comme elles étaient avec une teinte d'humour incroyable. Alors, George Carlin, un humoriste américain, avait déclaré, puis là j'ai un passage ici qui avait été sorti en fait, écrit d'un de ses, je suis pas mal certain, d'un de ses sketchs d'humour. Et puis je vais vous le traduire ici au fur et à mesure en français, mais ça valait la peine d'ouvrir en fait l'émission avec ça, parce que vous allez voir que c'est un peu un thème important à comprendre. Alors, ça va comme suit. Il dit en fait, c'est tout ce que les médias et puis les politiciens parlent. En fait, ils parlent tout le temps des choses qui nous séparent, des choses qui... nous rend différents l'un de l'autre. Et en fait, c'est la manière dont la classe, la classe dirigeante opère dans quelque société que ce soit. Ils essaient de diviser le reste de la population, des gens, hein, si vous voulez, de la populace. Et puis, ils essaient, en fait, de garder les classes pauvres et puis les classes moyennes en constante lutte l'une contre l'autre, tout le temps en train de se combattre l'une l'autre, et puis permettant ainsi aux riches de s'enfuir avec tout l'argent. Et puis, en fait, il dit que c'est une chose assez simple, en fait, et puis que ça fonctionne. Et puis, vous savez, c'est en fait toutes les choses qui nous rendent différents. Hein, c'est ce dont ils vont parler. Donc, il donnait comme par exemple les races, la religion, les backgrounds nationaux et ethniques, le travail, les revenus, l'éducation, le statut social, la sexualité, n'importe quoi qui, en fait, peut en fait nous garder à l'intérieur de des luttes intestines en luttant l'un contre l'autre. Et en fait, ce qui leur permettent de continuer d'aller récolter leur argent à la banque. Et puis, en fait, il posait la question à George Carlin. Il dit, savez-vous comment je décris, en fait, les classes économiques et sociales dans ce pays en parlant des États-Unis? Il dit, en fait, la classe supérieure, la classe des riches, garde tout l'argent, ne paie aucune taxe. Alors que la classe moyenne, elle, paie tous les taxes. Et puis il fait tout le travail. Et en fait, il explique que les pauvres sont juste là pour épeurer la classe moyenne, en fait, scare the shit out of the middle class. Alors vraiment pour les épeurer à mort, pour épeurer la classe moyenne de devenir bien pauvre. En fait, c'est pour garder la classe moyenne au travail, hein, donc pour les encourager fortement à continuer à se présenter à leur travail à chaque matin. Alors c'est ce que George Carlin disait. Alors voilà, quand même intéressant comme vision. Ça parle un peu de ça, oui, ça parle un peu de ça. Ça parle un peu, en fait, des réalités qu'on a dans notre figure, mais qu'un certain voile couvre nos yeux et nous empêche de voir la vérité telle qu'elle est directement sous nos yeux, alors qu'on la fait apparaître pour d'autres choses. Et puis, c'est un peu le but toujours que ça a été ici sur l'autre monde, c'est d'essayer de déchirer ce voile qui couvre nos yeux pour vous présenter les choses telles qu'elles sont. Une de ces choses-là, ça fait quand même des années, hein, qu'on continue de parler de certains événements historiques qui se sont produits. Et il y a certains de ces événements-là qui manquent des pièces de casse-tête fort importantes pour vraiment qu'on puisse comprendre les tenants et les aboutissants de ces événements historiques-là. L'un de ces événements a été l'assassinat de JFK. Alors, évidemment, John F. Kennedy, aux États-Unis. Et puis, ça fait quand même plusieurs années que des informations fort importantes circulent à propos de l'assassinat de John F. Kennedy. À un moment donné, comme on dit, tout finit par se savoir. Et puis, même si des fois la vérité écorche les yeux puis écorche les sensibilités, à un moment donné, des faits, c'est des faits. Et puis ça, sur l'autre monde ici, ben écoutez, quand c'est des informations qui sont solides, qui demandent la peine d'être vérifiées, qui réellement sont assez pesantes pour être avancées. Ben à un moment donné, faut arrêter d'avoir peur et puis nommer les choses telles qu'elles sont. Et puis vous allez trouver sur un blog d'un des collaborateurs ici qui envoie des informations fort importantes, des informations concernant les vrais motifs, en tout cas, peut-être, disons, un des motifs principaux qui a été depuis le tout début, en fait, de cette ère, depuis, en fait, la mort de John F. Kennedy, l'assassinat de John F. Kennedy, ont été gardés carrément secrets, ont été, en fait, cachés de la vie du public et puis, en fait, jamais discutés réellement. Et puis, de plus en plus, grâce à la recherche de certains auteurs fort importants et très solides, disons-le, que je nommerai dans très peu de temps, des informations font surface et puis finalement s'avèrent très difficiles à être renversées, à être contredites. Et puis elles demandent incessamment d'être analysées, d'être étudiées, d'être vérifiées. Et puis évidemment, si tout s'avère être vrai, eh bien, à un moment donné, il va falloir rectifier les livres d'histoire et puis enfin annoncer la vérité au grand jour, n'est-ce pas? Et puis, c'est un sujet fort intéressant quand même qui a des répercussions encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ça concerne en fait, comme je vous disais, des informations très importantes concernant finalement l'assassinat de John F. Kennedy. Et puis, il se trouve que l'arsenal nucléaire israélien est au centre d'une guerre secrète qui avait lieu entre John F. Kennedy puis Israël. Et puis là, les informations que je vais vous tirer viennent d'un site qui, vous allez trouver le lien sur les nouvelles internationales à l'entrée de cette, en fait, juste au-dessus du titre de cet article fort important qui s'appelle « L'arsenal nucléaire israélien au centre de la guerre secrète entre JFK et Israël » que vous allez retrouver sur les nouvelles internationales cette semaine. Alors, je vous invite à découvrir effectivement et vérifier ces sources. Très important. L'impasse des relations israélo-états-uniennes sous John F. Kennedy a rendu fou de rage le premier ministre d'Israël à l'époque, Ben Gurion, à un tel point qu'il quitta subitement son poste de premier ministre. Pour Ben Gurion, la bombe nucléaire israélienne était littéralement sainte, sacrée. C'est l'objet de culte par excellence, le saint des saints d'Israël. Alors, je vous fais part de ces informations de cet article là, présentement. Par ailleurs, des documents récemment déclassifiés révèlent que JFK cherchait à forcer l'American Zionist Council à s'inscrire au registre des agents étrangers. Puis là, vous avez des hyperliens pour vérifier les sources, vidéos, émissions. Et puis, bien sûr, après sa mort, Lyndon Johnson, qui le remplaça, laissa tomber cette requête. Très peu de gens sont au courant de la guerre secrète qui opposa alors Israël et JFK. Ce qui explique pourquoi Ben Gurion n'est jamais identifié comme étant l'instigateur de la conspiration visant à faire assassiner le président JFK. Bien sûr, le film d'Oliver Stone sur JFK mentionne toutes les connexions possibles. Donc, on parle de celles hispaniques, cubaines, la mafia italienne, le FBI, CIA, etc. Sauf la piste du Mossad israélien, qui est pourtant évidente, surtout lorsqu'il est question de Permindex, de Clay Shaw ou de Jack Ruby. Alors, vous avez des textes qui vous sont présentés aussi pour avoir plus de détails, ou même le livre ou le e-book de Piper. Alors, faut-il blâmer Stone ou bien son producteur? Et puis ça, c'est des informations dont je vous avais parlé dans des émissions précédentes. Le producteur de Oliver Stone, qui est Arnon Milchan, et qui est aussi, en l'occurrence, l'un des plus grands trafiquants d'armes d'Israël, de même que l'un des principaux responsables du développement du nucléaire israélien. Alors, pense à ça deux secondes. Et pour ceux qui se demanderaient si la mort de son fils John F. Kennedy Jr. aurait un lien avec sa volonté de rouvrir l'enquête sur l'assassinat de son père, pour cause, le crash de l'avion de JFK Jr. a été considéré dès le départ comme un homicide par les enquêteurs. Et puis là, vous avez un autre article qui suit à la suite de ça, qui se nomme Mordecai Vanunu et Michael Collins Piper convergent. Le Mossad israélien a assassiné JFK. Alors, les informations précédentes dont je vous faisais part, dont beaucoup d'informations sont tirées de Final Judgment, est un livre de Michael Collins Piper que je vous avais quelquefois parlé dans le passé ici sur L'Autre Monde, un auteur très solide dont je vous invite fortement à lire les ouvrages si vous voulez comprendre un peu en fait ce qui se passe réellement derrière les rouages du pouvoir, particulièrement aux États-Unis. Et du Nouvel Ordre Mondial. Alors, il faut arrêter de fabuler avec le Nouvel Ordre Mondial. Il faut savoir vraiment qui, en fait, est ce gouvernement mondial qui cherche à s'instaurer en ce moment, qui est, en fait, la vraie main dirigeante mondiale. Hein? C'est celle, en fait, qu'on n'ose pas nommer, n'est-ce pas? Alors, un article qui a été écrit ici par Marc Denkoff, qui vaut la peine aussi d'être lu en entier, dont je vais vous lire quelques extraits ici, parce que ça vaut la peine que ça soit énoncé sur une émission de radio et enregistré sur les ondes et que ça puisse être dispersé à travers le net autant que ça l'existe en écrit. Il faut que ça l'existe aussi en version audio. Il faut que les gens soient capables de comprendre, d'entendre ces informations-là. C'est pas des fois, c'est pas tout le monde qui, en fait, ont envie de lire, de prendre le temps de lire tous des articles, un paquet de trucs comme ça. Alors, je vous extrais les plus importants passages. Et puis, évidemment, tout le crédit va à ces auteurs fort importants. Vous vous rappelez ici de qui est Mordecai Vanunu. Alors, on va en parler, évidemment, dans cet article. Donc, ça débute ainsi. Les médias de nouvelles américains, pour toutes les raisons habituelles et les plus évidentes, ont systématiquement ignoré la nouvelle la plus explosive depuis des années, rendue d'autant plus pertinente pour le compte à rebours menant à un nouveau conflit au Moyen-Orient, alors que des rumeurs crédibles continuent à émerger comme quoi Israël et les États-Unis planifient un acte de guerre préventive contre l'Iran dans les mois à venir. Puis là, bon, on parle un peu de JFK aussi, chers auditeurs, parce que ça a été évidemment l'anniversaire de l'assassinat de JFK il n'y a pas longtemps, là, à la fin novembre. Hein, donc, vous voyez, c'est fort important de creuser ces informations alors que les occasions se présentent, les opportunités se présentent. La nouvelle qui figurait dans l'Express Newspapers of India le lundi 26 juillet cite le dénonciateur nucléaire israélien, vous rappelez, Mordecai Vanunu, attribuant au Mossad israélien l'assassinat de John F. Kennedy. Encore plus incroyable, Vanunu affirme expressément que le motif du gouvernement israélien dans l'assassinat de Kennedy était lié à l'insistance du président américain pour que l'État sioniste soit honnête et transparent sur son programme nucléaire à la centrale de Dimona dans le fameux désert du Negev. Alors ça, je vous avais souvent parlé de ça sur l'autre monde. Ça, on sait depuis au moins les années 60, depuis le début des années 60, que Israël possède la bombe nucléaire. OK? On a eu de façon clandestine le comment faire et puis le matériel qui a été donné à Israël ou acheminé vers Israël ou par Israël. Notamment, selon les informations qu'on a disponibles aujourd'hui, notamment de la part des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, à tout le moins. OK? Donc, je poursuis. Vanunu a été libéré en avril par les autorités israéliennes après 18 ans de prison pour trahison liée à la divulgation de secrets d'État concernant le programme nucléaire israélien. Sa sensationnelle accusation publique sur l'implication du Mossad dans l'assassinat de Kennedy pourrait tout simplement être rejetée comme étant le propos d'un homme mécontent ou déséquilibré, à l'exception d'un autre point. Michael Collins Piper, l'auteur de Final Judgment, The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy, donc en français traduction, Jugement définitif, le chaînon manquant dans la conspiration pour l'assassinat de JFK, aucune traduction française disponible présentement, avait déjà présenté une explication concernant la participation directe d'Israël dans l'assassinat de John Kennedy à Dealey Plaza. Le 22 novembre 1963, qui est à la fois plausible et convaincante, le témoignage de Vanunu vient simplement souligner et corroborer l'explication que Piper a présentée il y a une décennie. La convergence des thèses de ces deux hommes est extrêmement inquiétante. Alors, c'est fort important parce qu'effectivement, ça vient d'un homme qui a accompli des recherches fort poussées et, en fait, jusqu'à présent, en fait, non contredites. Et puis de celui qui, Vanunu, qui a été célèbre pour avoir été emprisonné par Israël, pour avoir révélé en fait des photos et puis l'existence non seulement de laboratoires, en fait d'une centrale nucléaire où l'on produit évidemment des bombes nucléaires. Alors, vous voyez, ces deux sources quand même fort importantes. Alors, Piper apprend au lecteur de Final Judgment, qui est un livre fort intéressant à lire sur le sujet, que 1963 s'est avéré être une année pivot dans le conflit jamais révélé publiquement opposant le 35e président des États-Unis et le premier ministre israélien David Ben-Gourion, principalement sur le refus d'Israël de soumettre son opération de Dimona à l'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ah, ben gadon. Alors ça, c'est en 1963, et puis, comme je vous disais, selon les archives qu'on a, on sait depuis au moins que 1964 que Israël possède, en fait, la bombe nucléaire, donc, et puis, évidemment, des sources qui t'ont remonté même avant ça, donc, ce conflit est évidemment très intéressant ici. Évidemment que là, tout l'ironie historique prend son sens lorsqu'on voit Israël pointer du doigt l'Iran aujourd'hui, vous comprenez? Depuis 1963, à l'insistance de JFK, on demandait à Israël la transparence et de déclarer et de faire inspecter et suivre par les États-Unis son programme de développement nucléaire, principalement de développement d'armement nucléaire. OK? Donc, fort intéressant ici. Et accessoirement, d'arriver à une entente avec les Palestiniens. Il discute ensuite des principaux acteurs présumés du complot d'assassinat lui-même, corroborant les recherches des chercheurs respectés de l'assassinat de Kennedy, tel Anthony Summers du Royaume-Uni et le professeur Jim Mars de l'Université du Texas. Les lecteurs des travaux de Summers et Mars sont intimement familiers avec des noms comme Sam Giancana, Johnny Roselli, Carlos Marcello, Guy Bannister, William Harvey, William Sullivan, George de Morenchild, James Jesus Angleton, Richard Helms, Alpha 66 et Santos Traficante. Typiquement, les liens démontrés de ces individus avec les syndicats du crime organisé, avec la communauté des Cubains anticastristes, exilé au début des années 1960, alors on continue, et avec un élément de l'agence centrale du renseignement impliqué dans les deux premiers groupes, aurait abouti à des conclusions provisoires comme quoi le nœud du complot contre Kennedy impliquait une convergence d'intérêts de ces trois constituants clés impliqués dans un triumvirat sordide délibérément caché au public américain il y a 40 ans par la commission Warren. Piper ne discrédite aucunement cette conclusion de ses prédécesseurs sur les circonstances ayant conduit certains individus à participer dans un complot pour assassiner le président. Il démontre simplement ce qui a été caché jusqu'à aujourd'hui, que ceux identifiés par la recherche universitaire méticuleuse de Summers, Mars et d'autres ont même des associations démontrables avec le lobby israélien et les services de renseignement israéliens. La thèse de Final Judgment à cet égard est principalement construite sur l'importance clé de Meyer Lansky en tant que véritable acteur d'importance dans le crime organisé américain des années 50 et 60. Le supérieur de Giancana, Roselli Marcello, Mickey Cohen, Mickey Weiner, Mo Dalitz, Frank Costello et d'autres mentionnés précédemment en tant que participants au complot contre Kennedy. À son tour, le rôle de Lansky, en tant que sioniste engagé et leveur de fonds pour l'État d'Israël, impliquait des liens directs et palpables entre son empire criminel, ses banques de Miami, et la Banque de Crédit International, la BCI, à Genève, en Suisse. Cette dernière entité a été le centre européen de blanchiment d'argent pour les activités mondiales. Et puis, vous avez M. Lansky, puis la BCI, à son tour, a été dirigée par un banquier israélien, le rabbin Tibor Rosenbaum, ex-directeur des finances et de l'approvisionnement pour le Mossad israélien. Alors, voyez les liens, là. Piper démontre ensuite que la BCI est un actionnaire principal dans une société basée à Rome, qui est appelée CMC Permindex, dont le président du conseil d'administration était nul autre que Louis M. Bloomfield de Montréal, au Canada, un important collecteur de fonds pour Israël et opérateur connu du renseignement israélien. CMC Permindex, à son tour, se révèle être l'un des principaux points d'intersection qui met le mystérieux Bloomfield en contact direct ou indirect avec Clay Shaw, qui était la principale cible de l'enquête de Jim Garrison à New Orleans. Guy Bannister, James Jesus Angleton, le chef de la section 5 du FBI, William Sullivan, qui a dirigé l'enquête du FBI pour la commission Warren et a servi comme agent de liaison du FBI et ami d'Angleton. L'ex-président cubain Carlos Prio Socarra, qui est un trafiquant d'armes avéré partenaire d'affaires de l'assassin d'Oswald Jack Ruby. Ernest Israel Jaffet, ancien directeur en fait et président de la banque israélienne Lumi. Shaul Heisenberg, un personnage clé dans le développement de la bombe nucléaire d'Israël et participant avec Rosenbaum dans la banque d'échange suisse-israélienne. Des éléments de l'organisation armée secrète, nationaliste française, OAS, l'agent de la CIA Theodore Shackley, le chef de la station de la CIA à Miami au moment du plan de la CIA Lansky pour assassiner Fidel Castro, et Abbé Feinberg, un homme d'affaires juif de New York, employé par Ben Gurion comme agent de liaison pour des réunions secrètes avec le président Kennedy dans le but de régler les différends des deux parties au sujet de Dimona. C'est donc les liens et les acteurs BCI et CMC Permindex que Piper emploie pour démontrer que les joueurs, les alliances et les actifs ont été fermement en place pour amener ceux qui ont les motifs, les moyens et l'occasion réunis dans un complot qui a abouti à Dallas. Et puis après ça, on ajoute dans cet fort important article, pour terminer avec ça un peu, là, que secondairement, Piper renforce sa thèse en montrant quels ont été les résultats pour Israël à la suite de la tragédie de Dallas en novembre 1963. La suppression de Kennedy a mis un terme aux exigences américaines pour les inspections du programme nucléaire israélien par l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'accession à la Maison Blanche de Lyndon Johnson, dont les liens de longue date à Mayor Lenski et Carlos Marcello avaient aidé le jeune va-nu-pied du Texas Hill Country lors de son arrivée au 1600 Pennsylvania Avenue. Plus important encore, l'arrivée de Johnson dans le bureau ovale a représenté un changement radical dans la politique américaine au Moyen-Orient, établissant, selon Piper, la direction Israël d'abord adoptée par chaque sous-secrétaire d'État à partir de LBJ, au détriment de l'indépendance du gouvernement américain face à l'influence indue du lobby israélien, du maintien de la paix régionale et de la stabilité dans la zone la plus dangereuse du globe et tout vestige d'espoir de bonnes relations politiques américaines avec le monde islamique. Donc évidemment que ce sont des allégations fort importantes de Vanunu et puis Piper qui sont relatives à Israël et qui ne vont évidemment pas disparaître sous peu et qui mérite évidemment toute l'attention parce que c'est évidemment tout un lien ici pour comprendre en fait le rôle central d'Israël dans l'assassinat de JFK. Et puis évidemment que, comme je vous disais, toutes ces informations vont être en lien là, sur le blog Les Nouvelles Internationales. Évidemment, vous allez voir des nouveaux liens aussi d'articles qui ont été écrits par Michael Collins Piper par rapport à les liens israéliens et Rothschild avec l'assassinat de John F. Kennedy. Alors, plusieurs articles que vous allez voir autant en anglais qu'en français. C'est quand même assez important de comprendre l'histoire parce que ça a des répercussions, particulièrement celle-là jusqu'à aujourd'hui, puisque l'État d'Israël possède cette bombe nucléaire et puis ça a été le prix de ça a été la mort d'un président qui était fortement aimé du peuple et puis qui finalement aurait pu changer bien des choses. Alors voilà quoi. Donc on va faire une petite pause musicale, chers auditeurs. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir les nouvelles internationales. Vous allez voir des liens par rapport à la lettre de JFK à Ben Gurion sur le nucléaire israélien, qui évidemment fut vu comme un casus belli, question de survie d'Israël, d'obtenir la bombe. Vous allez voir les travaux de Michael Collins Piper. Donc, des éléments historiques fort importants pour vous à aller voir d'intérêt premier. Donc, on arrête d'en parler pour le moment. Donc, on va faire une petite pause, comme je vous disais, puis on se retrouve tout de suite après pour d'autres nouvelles fort importantes, cette fois dans le cas de Fukushima. À tout de suite. Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is a test of the TV Corporation on radio. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Poison dart. I watch the whole system when I'm getting parti pour l'autre monde et les nouvelles. Alors, tout de suite, avant d'aborder Fukushima, j'avais deux articles fort importants à vous relayer ici. Un particulièrement sur les vaccins et l'autre sur les OGM et le gluten, les intolérances au gluten qu'on entend de plus en plus parler. Bon, vous savez, ça fait quand même quelques mois là, dont je vous parle de santé, particulièrement de vaccins, ainsi de suite. Un article ici fort intéressant qui a été publié sur Natural News où on parle de la fraude dans les vaccins qui est exposée. Alors, vous avez la varicelle, ainsi de suite. Alors, concernant un retour en force, particulièrement aux États-Unis, de la rougeole, rubéole, les oreillons. C'est un vaccin qu'on appelle le vaccin RRO. Et au Québec, en fait, rougeole, rubéole, oreillon, ou en France, ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, peu importe là, qui se trouve être un vaccin combiné et qui correspond au vaccin en anglais au MMR, Measles, Mumps, Rubella. Alors, ce vaccin est habituellement administré à l'enfance et puis il peut être aussi recommandé dans certains cas d'infection VIH chez l'adulte. C'est un vaccin qui est vendu par Merck et Corporation sous le nom de MMR2 par GlaxoSmithKline sous le nom de Priorix et puis Serum Institute of India sous le nom de Trisvac et par Sanofi Pasteur sous le nom de MMR VaxPro. En Belgique, alors Trimovax aussi dans d'autres pays. Donc, il est administré au Québec dans les CLSC. Et puis, c'est un vaccin, ce qu'on appelle le virus vivant atténué. Donc, c'est la compagnie Merck qui l'a développé à la fin des années 1960 et puis qui l'a licencié sous ce nom en 1971. Alors, voilà un petit retour historique sur cela. Et puis, en fait, ben on parle ici de Merck, en fait, qui aurait trafiqué un peu ses vaccins. Et puis, vous savez, on parle souvent de Edward Snowden, qui se trouve à être un révélateur. Hein? C'est quelqu'un qui a révélé les secrets d'espionnage de la NSA dans le monde. Et puis, vous avez dans le monde de la santé, de la pharmacologie, de la grosse business de Big Pharma, comme on appelle, des délateurs aussi, fort importants, qui, cette fois, nous arrivent avec une nouvelle, ici, en fait, une révélation fort... peut-être surprenante pour certains, mais qui est en fait coutume dans cette industrie fortement, je vous dirais, contaminée d'actes criminels, immoraux et inéthiques. Alors, on apprend ici que ces gens-là, écoutez, là, on n'est pas opposé ici à la science ou quoi que ce soit, là. On n'est pas, peu importe, là, dans cet article, on dit, on n'est pas un opposant à la théorie de l'inoculation. Il dit, en fait, ce à quoi on s'oppose, c'est la science frauduleuse. OK? Et puis ici, ben, on parle de ce retour important aux États-Unis de la rougeole, oreillon, rubéole. Et puis, écoutez, c'est aux États-Unis, les docteurs et les journalistes font toute la même erreur critique en essayant de comprendre pourquoi, en fait, on blâme les parents qui ne font pas vacciner leur enfant comme étant la cause. Mais en fait, la cause réelle révélée par des délateurs scientifiques qui ont travaillé pour des manufacturiers de vaccins, en fait, des compagnies très importantes. Et c'est qu'en fait, ces vaccins sont fabriqués, sont designés pour ne pas fonctionner en réalité depuis le départ. On appelle ça de la fraude scientifique. Et puis, ça se trouve être en fait une part inhérente de l'industrie des vaccins. Comment qu'on fait pour savoir ça? Parce qu'on a des délateurs, comme je disais, qui ont travaillé dans cette industrie et qui ont trouvé le courage de révéler la vérité. Ce sont les Edward Snowden de l'industrie du vaccin. Et puis, les compagnies de Merck ont falsifié les résultats d'efficacité de ces vaccins. Okay? Et puis, ça vient de la bouche d'anciens employés. Alors, on dit qu'on a falsifié des résultats de tests pour fabriquer un taux d'efficacité de 95% déclaré des anciens virologistes comme Stephen Crawling et puis Joan Leur nom est assez particulier, là. Je crois qu'on prononce Wolchowski. Dans leur révélation choc, on a un document ici que vous pouvez vérifier, donc c'est documenté. Et puis on dit que pour faire ceci, Merck a trafiqué le sang, des tests de sang en fait avec des anticorps animaux pour augmenter de façon artificielle l'apparence des réactions en fait de la production d'anticorps dans le système immunitaire. Donc là, vous avez en photo et puis tous les liens là, pour vérifier ça. Et puis, bon, on dit qu'on a ajouté des anticorps d'animaux au test de sang pour en venir à des résultats de tests plus favorables. Et puis, ils savaient d'ailleurs, en plus de ça, que le système immunitaire humain ne produirait jamais de tels anticorps et que ces anticorps, en fait, créés en laboratoire, dans des scénarios de tests de laboratoire, n'avaient en fait aucune chance, en fait, ne correspondaient d'aucune manière ou en corrélation, ne représentaient absolument rien en relation avec la vie réelle de la neutralisation des virus dans des gens qui sont vaccinés selon la plainte officielle de ces délateurs. Évidemment que Merck dénie ceci, tout comme évidemment ses compagnies ont tout le temps dénié s'engager dans des pots de vin, ainsi de suite, de la corruption, utiliser des enfants pour des expérimentations médicales. Vous avez tous des liens pour vérifier ces choses-là. Vous allez voir que c'est effectivement des choses qui ont été révélées, vérifiées, ainsi de suite. Avoir rédigé des faux articles, des faux résultats, ainsi de suite, dans des fausses publications médicales, ainsi de suite, avec des ghost writers qu'on appelle, et publiés dans des journaux, ainsi de suite. Bon, donc vous voyez là, c'est évidemment en fait routinier que ces compagnies pharmaceutiques s'engagent dans des comportements criminels comme ça. De conspiration, fraude, corruption, et ainsi de suite. Alors, ces deux personnes, de Stephen Crawling et puis Joan Wolchowski, sont en fait en train de nous dire ce qu'on suspectait déjà, en fait, que Merck falsifie l'efficacité de leur vaccin pour les faire apparaître comme étant des vaccins qui sont efficaces, alors qu'ils ne le sont pas. Alors, évidemment, pourquoi ferait-il une telle chose? Évidemment, il faut considérer le fait que Merck a autant le motif que l'opportunité de le faire. Évidemment qu'il faut comprendre que les vaccins, le dogme de la vaccination est tellement profondément encastré dans l'esprit des docteurs, des journalistes et puis du public qu'à toutes les fois qu'il y a une maladie communicable, transmissible, qui commence à se répandre, tout le monde immédiatement évidemment saute à la fausse conclusion que les vaccins, en fait on a besoin de vaccins, les vaccins sont demandés. Alors évidemment que c'est une réaction pavlovienne dans l'esprit des masses qui sont conditionnées à associer la contagion d'une maladie qui se répand avec un manque de vaccin, ce qui est une fausse association, évidemment. Alors, évidemment que quand une maladie se répand, ça augmente les ventes de vaccins et puis les épidémies, on peut dire, que sont un outil marketing pour créer une demande pour, évidemment, un produit hautement profitable, que les gens sont convaincus d'acheter encore et encore, année après année, qu'il marche ou ne marche pas. Okay? Alors, comment on crée cette demande? Évidemment, il faut ingénierer, il faut mettre en place, il faut créer une épidémie et puis s'assurer que, évidemment, que vos propres produits ne fonctionnent pas. Donc, évidemment, que la peur va amener les gens à être vaccinés, à se faire vacciner et puis, évidemment, que cette peur est utilisée comme étant primairement un outil marketing. Hein? Donc, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Alors, écoutez, vous avez des études fort intéressantes, et c'est des liens qui vous y mènent, où on apprend que 97% des enfants qui ont été affligés des oreillons, par exemple, récemment, avaient déjà été vaccinés contre les oreillons. Vous avez un autre ici Un autre lien qui vous explique qu'en 2010, vous avez eu les oreillons qui se sont mis à se répandre largement au New Jersey. Et puis, 77% des enfants qui avaient été affligés par les oreillons avaient déjà été vaccinés contre les oreillons, imaginez. Donc, ça se poursuit comme ça ici, d'un bord puis de l'autre, pour toutes sortes de situations comme ça. Et puis, évidemment, on assume que les vaccins fonctionnent. Mais en fait, on n'a pas vraiment de preuves de ça, OK? Alors, en fait, on ne compare jamais les taux d'infection des gens qui sont vaccinés versus les gens qui ne sont pas vaccinés. On fait juste assumer que les vaccins fonctionnent parce que c'est un dogme de la médecine moderne, OK? Donc, évidemment que ces assumptions deviennent des faits dans l'esprit des experts médicaux qui sont complètement conditionnés par ça. Donc c'est un gros problème. Donc, et puis cet article en fait état. Et puis, je vous invite à le découvrir. C'est en anglais, mais vous avez un paquet de liens, ainsi de suite. Et puis, c'est facile à faire traduire maintenant de nos jours. L'autre article qu'on a ici, qui nous parvient de l'Institute for Responsible Technology, on parle d'un rapport qui a été émis il n'y a pas longtemps, quelques jours en fait, qui propose un lien entre la nourriture qui contient des ingrédients modifiés génétiquement, les OGM, et puis les désordres reliés au gluten. Donc, vous avez un bref article qui sommarise ces trouvailles et qui peuvent être trouvés au www.glutenandgmos.com. Alors, gluten, glutenandgmos.com. Alors, de toute façon, vous allez trouver ça sur les nouvelles internationales, comme d'habitude. Ne vous en faites pas avec cela. Ça, c'est très important parce qu'évidemment que si vous pensez que juste en coupant votre consommation de gluten, vous allez régler vos problèmes, vous allez peut-être avoir des troubles si vous consommez, par exemple, du maïs qui a été modifié génétiquement ou ainsi de suite. Donc, voilà. On va parler de Fukushima tout de suite après la pause. Là, je me suis étendu un petit peu plus que prévu sur ces deux nouvelles qui valaient quand même la peine d'être décortiquées un peu. Donc, on va faire une autre petite pause musicale rapidement, puis après ça, on va revenir avec la situation de Fukushima qui est quand même très importante. Alors, on se retrouve tout de suite après ce petit bloc musical. Fukushima, alors toujours pas une situation enviable. Ça se poursuit. À toutes les fois qu'on regarde, les nouvelles concernant Fukushima, on s'est à pleurer réellement. Donc, je fais tout le temps les mêmes commentaires, mais c'est vraiment catastrophique. Alors, écoutez, qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? Ben, écoutez, c'était cette histoire d'enlever les fameux combustibles nucléaires qui sont tout croches, qui sont à moitié fondus, tout cassés, fracassés, whatever. Qu'on a de la misère à retrouver, finalement, qu'on ne trouve pas, peu importe. Donc, là, on en a, en tout cas, quelques bâtons, en fait, là, dans la réaction du réacteur numéro 4, qui est en train, finalement, de devenir hors de contrôle. On se trouve à avoir des assemblages, là, de 1500 crayons radioactifs qui se trouve être dans un bassin d'eau qui est instable, qu'on a réussi un peu à sécuriser, mais qu'on doit finalement faire de quoi avec. Et puis, ben écoutez, évidemment que ça se trouve à poser des nouveaux risques très importants. Et puis là, c'est un article ici qui a été publié le 11 novembre dans le New York Times, où on fait part des officiels américains qui sont allés voir un peu là-bas ce qui se passait. Et puis, on dit qu'évidemment que le complexe est en train de sortir hors du contrôle depuis 2 ans et demi. On commence à perdre le contrôle totalement de ce qui se passe. Et puis, ce bassin de produits nucléaires, en fait, de combustibles nucléaires utilisés dans du réacteur numéro 4 avec ses 1500 assemblages ont été laissés exposés alors qu'on avait eu une explosion d'hydrogène qui avait fait exploser même le plafond de ce bâtiment. Et écoutez, là, évidemment que là, on essaie de retrouver ce combustible-là, essaie de décommissionner ces réacteurs, ainsi de suite. Et bien évidemment qu'on a des très, très importants risques qui sont impliqués, évidemment, dans le retrait de ces assemblages. Évidemment que chaque assemblage doit être manipulé de façon extrêmement minutieuse. Évidemment que tout ce qu'on peut faire, et puis là, imaginez, c'est ce dont on parle dans ces articles. Écoutez, là, je veux dire, on est rendu à nous dire que tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que absolument rien, pour que absolument rien de mauvais arrive, évidemment. Quand on est rendu à s'en remettre à des prières, imaginez. C'est assez particulier. Alors, ça vient de gens d'ingénieurs, en fait, qui ont mené un groupe indépendant pour décommissionner ces bâtiments, ainsi de suite. Bon, alors, le 19 novembre, on apprenait qu'on avait d'autres tremblements de terre de l'ordre de 5,7 de magnitude qui ont secoué le Japon. Environ 200 000, pas loin de 300 quelques kilomètres de profondeur, quand même assez profond. On dit évidemment que le gros danger est l'eau qui soudainement s'est drainée, en fait, de le bassin de l'unité numéro 4 après le tremblement de terre. Ça, c'est toujours un problème. Parce que, évidemment, qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, ces structures-là qui sont chancelantes sont mises en danger avec tout le combustible nucléaire qu'ils contiennent. Et puis, ce bassin se trouve à être environ à 30 mètres au-dessus du sol. Évidemment, le rendant très vulnérable à des tremblements de terre majeurs. OK? Donc, ça, c'est particulièrement important à savoir. Le truc est assez élevé dans les airs, et s'il venait qu'à s'effondrer au sol, évidemment, entraînerait un désastre sans précédent, déjà que c'en est un désastre sans précédent. Donc, vous avez plusieurs articles là, sur Radio Free Europe, AP qui en parle, de Guardian, avec différents articles le 18 novembre, où on parle évidemment de cette perte d'eau refroidissante qui pourrait se produire lors d'un prochain tremblement de terre, qui pourrait évidemment causer des réactions en chaîne et relâcher des quantités énormes de radiation dans l'atmosphère. Alors, c'est tout le temps un problème, et puis vous allez voir dans les nouvelles de la semaine qu'on en parle beaucoup de ça. Vous avez un article ici qui a été publié parlant de cette nouvelle loi de secret d'État au Japon, qui mène évidemment à ce qu'on appelle une implication plus proche, plus étroite entre l'armée militaire américaine. En fait, l'armée militaire, ça veut dire pas mal la même affaire, là. Donc, l'armée américaine, qui évidemment est en train de monter un peu ses forces dans la région asiatique qui est contre la Chine. On parle un peu de ce lien plus étroit entre la coopération entre le Japon et les États-Unis au niveau militaire pour cerner la supposée menace chinoise. Mais là, en fait, on est en train d'insister que cette loi sur le secret d'État est nécessaire pour que tous les départements du gouvernement suivent une règle uniforme. Sauf que là, écoutez, ça se trouve à être une législation qui est mise en place alors qu'on a évidemment des révélations explosives politiques, évidemment, du délateur américain Edward Snowden par rapport à la US National Security Agency et puis ses vastes opérations d'espionnage dans le monde. Et puis on dit que le gouvernement japonais est clairement déterminé à prévenir des fuites qui, évidemment, causent des dommages importants, là. Au pouvoir en place, n'est-ce pas? Alors, évidemment qu'on ne parle pas aussi, peut-être pas non plus, c'est peut-être pas justement une confrontation potentielle avec la Chine, mais c'est peut-être aussi une façon de se donner, évidemment, le pouvoir, en mettant cette loi en place, de couvrir toutes, évidemment, les mortalités puis les maladies qui vont résulter et qui ont résulté de ces ce qu'on appelle pas des meltdowns mais des melt through. Alors en anglais c'est vraiment non seulement des fusions des cœurs nucléaires mais en fait le corium qui a passé à travers de ces enceintes protectrices et puis se sont répandus carrément dans le fond du bâtiment et évidemment des réacteurs de Fukushima et puis qui évidemment absolve autant le gouvernement que TEPCO de faire face à la responsabilité pour cette débâcle, peu importe le nombre de personnes qui ultimement vont être rendues malades ou vont mourir à cause de ça. Donc ça c'est un développement fort intéressant. Là vous avez un auteur japonais ici qui parle de ce désastre de Fukushima impossible à contrôler, un scientifique senior qui parle du nombre de choses qui vont mal. On n'a jamais résolu aucun des problèmes. Évidemment, vous avez cette notion de perte de contrôle qui commence à faire surface de plus en plus réellement. On parle du sol qui semble s'effondrer selon des experts révélés dans l'article de AP publié le 3 décembre. Évidemment que là, vous avez un conseiller de TEPCO qui parle des structures, des bâtiments, des réacteurs qui, selon toute probabilité, sont en train de se dégrader. On parle de la dégradation des moyens de retenue, en fait, de containment de ces produits-là. Là, on parle de niveau de radiation record encore là. 40 mètres du Pacifique. Écoutez, on a trouvé un puits, ok, qui se trouve à être 40 mètres de l'océan Pacifique. C'est vraiment pas loin. Avec 1,1 milliard de becquerels par mètre cube de strontium 90 et puis d'autres émetteurs d'ondes bêta. Et puis évidemment qu'on craint que de l'eau hautement contaminée fuit dans le sol et puis évidemment va se retrouver dans l'océan Pacifique. Bon, ça c'est un thème constant et puis là qui s'aggrave de semaine en semaine et de mois en mois. Là ici, un autre conseil de TEPCO, on parle ici de combustible qui est endommagé dans deux des bassins à Fukushima, 150 millions de becquerels par mètre cube de césium-137 à l'unité numéro 3. Ça continue. Là, on parle des étoiles de mer ici qui meurent en masse. Alors, un lien vers une émission de télévision qui parlait de ça. Maintenant, ça se trouve à être le long de l'entière côte ouest américaine. Et puis, ça se trouve à être un phénomène qui affecte plusieurs espèces marines. Alors, on retrouve les étoiles de mort à moitié fondues, démembrées par d'étranges maladies. Et puis, c'est une bizarre de coïncidence que tous ces problèmes bizarres, intenses, qui affectent de façon uniforme tout le long de la côte ouest américaine, se trouvent arrivés en même temps. Hein? Le gouvernement qui a révélé des tests, évidemment, au mal écart Fukushima, sauf que c'est loin d'être fait, ça. Okay? Donc, quand même assez intéressant. Professeur ici qui révèle que c'est vrai que 70% du territoire japonais est pollué par Fukushima et ses relâchements de matériel radioactif. Tokyo contaminé par des radiations hautement toxiques. Des experts qui s'inquiètent des impacts catastrophiques sur la santé des résidents là-bas. Bon, alors, là, Gunderson ici parle que les Japonais TEPCO pense larguer toute l'eau contaminée radioactive de Fukushima dans le Pacifique. On parlerait de... Là, TEPCO aurait dit vouloir la diluer et ensuite la relâcher dans les océans. Un professeur qui suggère de la pomper au large dans les profondeurs de l'océan. Alors, vous voyez, c'est vraiment fantastique les belles solutions qu'on a là. Donc, ça continue. Des experts en risque qui parlent évidemment de très haut risque d'holocauste nucléaire à Fukushima, la centrale qui va continuer d'émettre des matériaux radioactifs pour quelques milliers d'années. Une étude qui trouve que des importantes quantités de strontium-90 se retrouvent dans des corps d'eau et vont se retrouver finalement, écoutez, ça c'est des graphiques ici qui montrent des très hauts niveaux qui sont largués dans les océans et puis qui vont être là entre 1000 et 5000 jours dans l'océan. Alors vous voyez les portées là, de temps là-dedans, c'est complètement débile. Plusieurs nouvelles là, qui parlent de cet océan Pacifique là, qui est vraiment contaminé de plus en plus. C'est vraiment un gros signal d'alarme pour vous là, par rapport à tous les fruits de mer et ainsi de suite là, qui viennent du Pacifique. Là. Écoutez, il faut vraiment se poser des questions. Là. Vous avez NBC Nightly News qui parlait d'un autre rapport troublant par rapport à ce qui se passe dans le Pacifique. Des millions d'étoiles de mer qui fondent, qui disparaissent de l'Alaska à la Californie. Des experts qui parlent de radiation de Fukushima qui évidemment ne sont pas à rejeter hors de l'équation, évidemment, probablement un facteur de cette épidémie, quelque chose de très, très, très, très différent qui n'a jamais été vu avant. Alors, vous avez des vidéos, vous allez voir ça. Donc, des quantités de débris qui se trouvent arrivées à Hawaï et puis qui proviennent du Japon, en fait, trouvées par des capitaines. Et on parle des baleines ici, dans la baie de la Californie. Des comportements très étranges jusqu'à Vancouver, ici au Canada. Vous voyez là, quand même là, des quantités de nouvelles fort inquiétantes comme ça qui continuent à se propager. Des prédictions du gouvernement qui en fait qui cachent le fait qu'ils pensent, en fait, qui sont révélés dans ces prédiction-là que la contamination de Fukushima va se répandre à travers l'océan du Pacifique, particulièrement dans la portion nord, dans les 5 prochaines années. Vous avez une vidéo pour appuyer ça. Donc, ça continue. Vous voyez, là, c'est comme le truc, là, il jaillit, il n'arrête pas de produire des contaminants radioactifs et puis ça se retrouve partout jusque en Amérique, donc ça se retrouve dans le fond partout dans l'hémisphère nord de la planète Terre. C'est pas plus compliqué que ça. On a de plus en plus de professeurs, un de Yale ici, qui parle évidemment que tout ce qui est sur la côte ouest est évidemment potentiellement contaminé, autant que les cultures, que ce qui se passe dans l'océan. Lui ne pense pas évidemment qu'il est sécuritaire de manger les fruits de mer provenant de l'océan Pacifique. Donc, plusieurs articles qui parlent de ces créatures dans l'océan qui ne vont vraiment pas bien en ce moment. même jusqu'à les oiseaux s'en retrouvent affectés jusque dans les îles en Alaska. Alors, un autre article ici qui parle de ça, qui a été publié le 27 novembre. Alors, vous allez trouver évidemment tous les liens comme d'habitude. Donc, on parle de radiations qui vont entrer dans le Pacifique pendant des décennies, qu'il n'y a pas aucune fin en vue par rapport à ça. Aucune solution n'existe par personne. Des problèmes qui sont sans précédent, selon d'autres professeurs. Ici, une nouvelle toujours publiée le 27 novembre. Donc, c'est une situation qui est des plus importantes là, réellement sur la planète Terre, là, disons-le. Là, c'est vraiment quelque chose. On va parler beaucoup de ce matériel radioactif qui est en train d'être retiré aussi de l'unité 4. Donc, on est très inquiet de ce que ça va faire, évidemment. Faut pas faire aucune erreur. Donc, c'est une des opérations les plus dangereuses qui est tentée de l'histoire nucléaire. Ce n'est plus ni moins. Donc, un scientifique au Japon parle de ces melt-through de Fukushima, des vaisseaux de... En fait, comment qu'on parle de ces cœurs nucléaires qui est discuté. On peut pas localiser trois des cœurs des réacteurs. Donc, on dit évidemment que c'est vraiment pas fini. C'est vraiment pas une situation qui est sous contrôle, loin de là, là. Donc voilà ici des articles forts. Écoutez, un conseiller de TEPCO encore. Ici, on parle de 925 quadrillions de becquerels d'eau contaminée pour essayer de refroidir les cœurs fondus de Fukushima dans les premiers mois après le 11 mars. Au mois de mars 2011. Et on n'a aucune idée, TEPCO n'a aucune idée où le combustible se trouve. Donc, voilà. Dernière petite pause, et puis après ça, on va revenir après pour quelques nouvelles de l'actualité mondiale. Puis ça va être tout pour l'émission de cette semaine. À tout de suite. Allez, les dernières quelques minutes de l'émission. Donc, ça a été l'anniversaire de Guantanamo. Triste anniversaire, chers auditeurs. Le 12e anniversaire. Et puis, il n'y a aucune fin en vue. Alors, c'est évidemment une des fausses promesses de Barack Obama de mettre fin à ce centre de torture professionnelle mondial. Alors, le 13 novembre, on a fêté ce triste 12e anniversaire. Alors, il y a 12 ans, le 13 novembre 2001, le président George W. Bush avait signé un ordre autorisant la détention de suspects de l'Al-Qaïda, de membres, de supporters, et de créer la commission, ce qu'on appelait la Military Commissions. Alors, au total, 7 détenus des 779 hommes qui ont été détenus à Guantanamo depuis le début ont été en fait trouvés coupables et puis à s'amener à une sentence, alors que tous les autres en fait n'ont jamais été accusés de quoi que ce soit. Imaginez, complètement incroyable, n'ont jamais été trouvés coupables de quoi que ce soit, devrais-je dire. Vraiment, écoutez, un truc absolument incroyable, là, je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Donc, ça, il fallait absolument parler. Vous avez un article qui parle de ça. Vous avez d'ailleurs un autre article ici qui parlait de Shaker Hammer Khan, qui, pour la première fois, a pu être entendu parlant de sa prison, de sa cellule en prison de Guantanamo Bay, alors qu'il prenait part à un enregistrement qui a été fait par la US News Channel et qui donnait évidemment un aperçu assez choquant à l'intérieur de Guantanamo. Ça, c'est un prisonnier qui est détenu sans être accusé, en fait, même reconnu coupable de quoi que ce soit depuis 2002. Il dit qu'il ne peut pas même marcher un demi-mètre sans être enchaîné. Alors écoutez, c'est vraiment des conditions incroyables, je veux dire, pour un pays qui se dit défenseur des droits et libertés dans le monde, ainsi de suite. C'est complètement insensé. Bon, écoutez, ces gens sont malheureusement malades. C'est le titre d'une autre vidéo ici par Brass Check TV, qui évidemment est un must-watching, vous devez voir absolument. DARPA et Google veulent vous convaincre, en fait, veulent convaincre les jeunes gens, les jeunes personnes, les adolescents, les jeunes adultes, ainsi de suite, que porter des tatous électroniques et ingérer ce qu'on appelle des Digital ID Tokens, alors des petites puces électroniques ID pour authentification, c'est cool. Alors, ils sont sérieux. Vous avez une vidéo ici absolument hallucinant qui, finalement, vous montre une des porte-paroles de Google qui est très joyeuse en train de vous annoncer que, hey, on a mis au point, écoutez, on a mis au point, là, c'est déjà été approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, là. OK, c'est pas d'histoire, là. On a déjà créé, là, c'est prêt, là. Donc, elle les a présentés à la télévision. Des tatous électroniques dans lesquels on a des puces RFID. OK, des puces d'identification. Et puis, même des micro-puces qu'on peut avaler, qui sont sécuritaires. On peut en prendre 30 par jour pour le reste de notre vie. Imaginez. C'est ce qu'elle a dit en pleine vidéo. Vous avez la vidéo, allez voir ça. OK? Ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Bon, une autre nouvelle comme ça, l'ancien secrétaire du Trésor, Tim Geithner aux États-Unis, hein, on a souvent parlé, s'est joint à une firme, equity firm de Wall Street, hein, donc on parlait tout le temps de ces portes qui connectent tout le temps ces hauts postes du gouvernement aux grandes firmes, aux grandes banques, ainsi de suite. Alors, voyez pour qui ces gens-là travaillent. C'est assez hallucinant, là. C'était le secrétaire du Trésor pour les États-Unis, Tim Geithner, qui a quitté son poste il n'y a pas longtemps. Et puis, il vient de se joindre à Warburg Pincus. Alors, vous allez voir l'article que j'ai tiré de Wikipédia. Warburg Pincus, bordel. Alors, écoutez, c'est absolument incroyable. Private Equity, créé en 1966 par Eric Warburg et puis Lionel Pincus, sise à New York. Et puis, ben là, on voit Timothy F. Geithner, coprésident. Ils ont des avoirs de 30 milliards de dollars. OK? Et puis, ils ont des bureaux en Europe, en Brésil, Chine et puis en Inde. Alors, imaginez. Donc, évidemment, le gars, lui, il sort d'un poste très haut placé dans le Trésor américain. Et puis là, ça va travailler pour une firme privée comme ça. Et qui a une longue histoire comme étant, évidemment, une compagnie d'investissement et d'information de communication dans le secteur de la technologie, incluant des investissements dans Avaya, BA Systems, alors des systèmes, évidemment, de télécommunications ainsi que suite. Qui peuvent être utilisés dans le domaine évidemment militariste. Et bon, vous avez Barty Televentures, Cassat Harbor Networks, Newstar, Systemnet, Telcordia, puis Veritas Software. Donc, évidemment, qu'ils ont des investissements énormes dans des secteurs incluant ceux des consommateurs industriels, les services, énergie, des services financiers, dans la santé, technologie, médias, télécommunications. Ils sont partout, là, OK? Partout. Alors, le portfolio de plus de 125 compagnies. Alors, c'est quand même assez incroyable, là. Ils ont investi dans plus de 40 milliards, plus de 40 milliards de dollars dans plus de 650 compagnies dans plus de 30 pays. Alors voilà. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors 400 enfants qui ont été secourus et 348 adultes arrêtés dans un grand bust, une grande arrestation, opération policière canadienne pour lutter contre la pornographie infantile. Nouvelle publiée le 14 novembre 2013 par NBC News. Donc, écoutez, ça c'est fort important d'en parler, évidemment. C'est une enquête fort importante par la police canadienne qui a été annoncée. Donc, écoutez, c'est un site qui a été opéré à partir de Toronto par Brian Way, un homme de 42 ans. Distribuait des images d'exploitation infantile à travers le monde. Alors, les enquêteurs ont catalogué des centaines de milliers d'images et de vidéos d'actes sexuels assez horrifiques, là, évidemment, de très jeunes enfants, ainsi de suite. Donc, bon, c'est une grosse business. 45 terabytes de data qui ont été saisis par la police. 4 millions de dollars de business distribués dans plus de 50 pays, incluant l'Australie, l'Espagne, le Mexique, la Grèce, ainsi de suite. Évidemment que ça, c'est assez particulier parce que parmi les personnes qui ont été arrêtées, 50 personnes ont été arrêtées en Ontario, 58 dans le reste du Canada, 76 aux États-Unis, puis 164 internationalement. Parmi ceux qui ont été arrêtés, écoutez bien ça, la nouvelle est quand même assez surprenante, là. On a 40 professeurs d'école, 9 docteurs et infirmières. Vous avez du personnel de la police, donc 6. Vous avez 9 pasteurs et puis des prêtres et 3 anciens parents adopteurs. Alors imaginez, quand même assez incroyable, n'est-ce pas? Donc, voilà. Vous voyez que les abuseurs d'enfants, ceux qui vont trouver les enfants, travaillent dans des milieux parmi lesquels on a souvent tendance à faire très confiance, mais donc il faut se surveiller partout. Des professeurs d'école, des docteurs, des infirmières, de la police, pasteurs, des prêtres. Pensez à ça. Donc voilà. Des officiels qui menaient une banque et à travers laquelle, ça c'est au Vietnam, il y avait de la corruption financière qui s'opérait. Se sont vus octroyer une peine de mort au Vietnam. Alors, évidemment que les Vietnamiens ont beaucoup plus de courage, et puis on parle de cette nouvelle parce que des fois, ça devrait peut-être nous inspirer pour faire pareil avec nos propres banquiers corrompus, n'est-ce pas? Alors, voilà que une genre de même technique pourrait être utilisée ici aussi. Donc, voilà, chers auditeurs, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette semaine. On va poursuivre la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Et on va parler un peu d'Israël, on va parler de l'Iran. Et puis, on va parler aussi d'un sujet fort intéressant de ce qu'a révélé le satellite Planck sur la création de l'univers, un miracle ou un hasard. Et puis vous allez voir un article fort intéressant ici. On va parler un peu là niveau cosmologique, un peu plus spirituel, ainsi de suite. Donc une émission intéressante où on va explorer différents niveaux là. Donc voilà, c'était tout pour cette émission. Et puis ne manquez pas la dernière ici de l'autre monde sur les ondes de Choc FM, qui mettra terme à un bloc de quasiment de 250 émissions pour le moment. En tout cas, peut-être qu'il y aura un futur, mais en tout cas, pour le moment, ça va s'arrêter là. Et on va se poursuivre, comme je vous disais en début d'émission, sur YouTube pour des capsules d'information pour continuer à vous informer. Donc, sur ce, je vous salue bien bas. C'était François Marchinant pour L'Autre Monde et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière. Bye-bye! We bought Fallujah, we got Fallujah. Sing hallelujah, 'cause we